direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Par les enfants. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Le rose qu'on nous propose, d'avoir les quantités de choses. Ça va les enfants ? Qui donne envie d'autre chose. Alors, on écoute un peu de... Allons-nous faire croire que le bonheur, c'est d'avoir de l'avoir plein nos armoires, dérision de nous, dérisoire, car foule sentimentale. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales. Plaisir de vous retrouver ce matin, c'est bien ça, c'est foule sentimentale. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Ouais, comme ça ce matin, hein. Boule sentimentale. Ça va les enfants? De ces cartons d'emballage, des gens là. Bien dormi? Alors ce matin, c'est la pluie, hein, malheureusement. Et ça va changer normalement. Ça devrait changer. Bienvenue à la radio. On nous inflige qui nous afflige. On nous prend faut pas déconner, déconner pour des cons alors qu'on est des fous sentimentales avec soif d'idéal. Bon, ça va la famille, salut Antoine, salut Virginie, bienvenue à la radio en direct ce matin dans l'émission Francky chez lui, bah ouais, confiné hein, comme tous d'ailleurs. J'espère que vous allez très très bien. Ouais, moi ça va, tranquille. Salut Martine qui est là, salut Virginie, salut Gérard. À fond aujourd'hui, à fond, à fond. Alors, une émission radio avec la météo, l'horoscope. Il y aura nos chroniqueurs Stéphanie Bier qui sera là, Fabien Dumas. On aura Cécile qui va nous parler du mariage. Alors, si vous avez prévu de vous marier avant le confinement, on parlera des galères ou pas. Hein, comment avoir des bons plans, justement, pour préparer tout ça avec Cécile au téléphone. Et puis, nos chroniqueurs qui seront là en direct. Et puis, le chanteur de Zouk qui a fait les premières parties avec moi, c'était au Gardels, qui a fait Kinvey, qui a fait Collectif Métissé, qui a fait Matt Houston. Et il s'appelle Philippe Bétura, grand chanteur de Zouk Love, que vous adorez, j'en suis sûr, vous allez peut-être découvrir aujourd'hui à la radio. C'est Philippe Bétura qui sera avec nous au téléphone, il est confiné chez lui à Paris tranquillement. Et il a accordé un interview avec nous, on écoutera justement quelques petits sons de Philippe Métura. Bah justement, pour bien démarrer cette matinée, je vous propose d'écouter un Philippe Métura, un premier extrait de son nouvel album. Il sera au téléphone avec nous. Un petit extrait de son nouvel album. Et dans 5 minutes, on appelle Stéphanie Bier. Je t'appelle Stéphanie. Hein. C'est bon ça le samedi matin hein. Ah ouais, si ça va arriver le soleil. Moi Martini, par bon mood, par un bruit. Si mélodie là ça vient plaire, alors mettez à partir, pas arrêt que c'est qui tient, au bout de ton tentier. Radio chez Francky avec Philippe Métura qui sera notre invité au téléphone dans 20 minutes à peu près. On dirait salut Jean-Marie, salut Valérie qui est là, salut Nathalie. Ouais, une spéciale Zouk ce matin. Il sera au téléphone avec nous, Philippe Métura, et puis Stéphanie, notre chroniqueuse qui arrive dans moins de 5 minutes. En direct de chez Francky Radio, le confinement c'est autrement. Ouais, le confinement c'est autrement, puis on appelle notre chroniqueuse Stéphanie Bier qui va nous faire la météo, l'horoscope et puis des bons plans. C'est parti pour le 45. La valise RTL, il y a 20 000 euros. Allô, Stéphanie, elle dort encore? Non, elle est réveillée, Stéphanie. Allô? Elle est réveillée. Tout, je dors encore. Hey, tout, je dors encore. T'as vu la mauvaise langue? J'avais dit, t'es dors encore. Bah ouais, en plus, c'est en avance. Hein. Ouais, je suis un petit peu en avance, désolé, parce qu'il y a Métura qui nous booste derrière. Mais t'as bien fait de prendre du temps, parce que du coup, je vous ai préparé un petit horoscope aux oignons, quand même, ce matin. Ah, bah voilà, aux oignons. Après, on va m'improvise astrologue. On va puer de la gueule, alors. Bah, non. Bah, aux oignons, c'est pour ça, oh, la blague. Non, les oignons, c'est très bon pour ton microbiote. Ah, d'accord, ok, bon, j'avais compris mon micro-ondes. Comment elle va, Stéphanie Bier, le confinement, ça va toujours à fond? Bah moi ça va, hein. Écoute, je suis pas le genre à garder les deux pieds dans le même sabot, à la maison y compris, donc voilà. Bah voilà, ça va. Tu t'occupes à la maison. Je suis pas du genre à m'ennuyer, j'ai de la chance. T'as de la chance. On démarre avec quoi, Stéphanie? Les balances. Eh ben vas-y, c'est parti l'horoscope, les balances. Alors, eh bien écoutez, en amour, c'est votre côté sentimental et plutôt romantique en général, et il sera très apprécié et vous prendrez plaisir à vous retrouver chez vous auprès des gens que vous aimez. Ah. Et puis, d'un aspect plus général, et ben vous êtes en excellente condition physique, donc rien à redire de ce côté-là. Tant que ça continue ainsi, c'est parfait pour vous, les balances. Et voilà, les balances. Bon plan. Les béliers. Et les béliers, c'est parti. Alors, eh bien, pour les amours, certaines flammes seront ravivées, les amours oubliées, des amitiés un peu poussiéreuses, l'occasion de renouer les ponts, de retrouver des personnes qui comptaient beaucoup pour vous. Donc, c'est le bon moment pour les béliers. Et puis, d'un point de vue plus général, bien que vous soyez très actif mentalement, le physique vous fait parfois défaut. Il ne suit pas la cadence, alors ralentissez un petit peu, vous agirez avec moins de rapidité, mais avec plus de confiance. Voilà, bon plan encore. Et on enchaîne? Les cancers. Ah, c'est moi ça, c'est important. C'est toi ça? Ouais. Eh ben, ouais. Vos émotions échappent difficilement au contrôle de votre raison. Ouais. Vous filtrez vos sentiments avec obstination, ce qui n'arrange pas les relations affectives. Détendez-vous un petit peu, les cancers. De façon plus générale, en fin de journée, un petit risque de fatigue passagère, mais alors vraiment pas de quoi s'inquiéter. Oh, bah ça va. Ça va. pardon, je t'en mets. T'as perdu ta fiche? Ouais, j'ai tout préparé hier. Attends, je fais ça bien. Ah ouais, c'est bien. On enchaîne. On enchaîne avec les capricornes. Donc, en amour, si vous êtes célibataire, eh bien, vous êtes susceptible d'être la cible d'un membre attrayant de l'autre sexe qui a jeté son dévolu amoureux sur vous. Pour les autres, le lien se consolide de façon plus générale. Eh bien, mis à part des petits problèmes que vous vous inventez un petit peu, les capricornes, il n'y aura rien de grave à signaler. Ne dramatisez pas. Bon, bah, tout va bien pour les capricornes, alors. Les Gémeaux, le jeu de la séduction n'a pas de mystère pour vous et nombreux seront ceux qui s'y laisseront piéger. Si vous êtes en couple, ce n'est pas le moment de jouer avec le feu. Pour les célibataires, les relations seront légères et sans conséquences pour l'avenir. Ah, bah l'avenir, un il est devant nous. Un petit coup de pompe, rien de sérieux, mais reconnaissez que ces derniers temps, vous avez peut-être abusé un petit peu des apéros vidéo. Ah, c'est un peu le cas de pas mal en même temps, je vous dis. T'as picolé ce matin? Non, je rigole. Non, j'ai pas picolé, mais j'ai fait un apéro vidéo hier. Ah, c'est un pour peu ça. Éternisé. T'as des séquelles. Il reste des séquelles. Et on enchaîne. Ah, faut quand même, on va pas perdre la vie sociale non plus. Exactement. Un verre de vin, alors, c'est sauver un million. Gaieté et poésie sont vos hôtes cette semaine. Elles adouciront l'atmosphère de votre couple, l'embelliront même carrément. Vous vivez des instants magiques qui vous transporteront aux extrêmes limites de l'émotion pour les lions. Ah, les lions rugissent de plaisir. Du coup, les lions, vous allez plutôt bien et ça a l'air de vouloir durer. Donc, vous avez de la chance. Et moi, j'ai envie de dire, les lions, ils vont rugir de plaisir, comme dans la pub à l'époque. Exactement, c'est voilà. Tout à fait ça. Les poissons. Ah, les poissons. Alors, les astres vous sont plutôt favorables sur le plan affectif. Extérieurement, vous ne paraissez pas malheureux de votre sort. Les petites soirées en amoureux vous réussiront particulièrement. Ah, bon plan. D'un point de vue plus général, eh bien, les états d'âme ont des allures de montagne russe un petit peu pour les poissons. Tour à tour confiant et optimiste et après un petit peu sceptique et incertain. Pas facile de vous suivre. Respirez un bon coup, les poissons, ça se passera bien. Voilà, donc, un poisson, ça respire. Ah ouais, ça respire, ouais, dans l'eau. Ouais, je me suis toujours posé des questions, tiens. Faudra trouver le problème, là, avec les poiscailles. Bah, c'est avec les bronchies. Ouais, les bronchites, ils ont une bronchite. Moi, j'ai une bronchite, là. Non, les bronchies, pas les bronchites. je te taquine. Ouais, ah, bah oui, mais moi, tu sais, hein, je prends tout au petit déjeuner. Ah, je sais. Salut Eric qui est là. Merci Manu qui est là aussi. Il y a du monde qui t'écoute, disons, ça fait plaisir. Stéphanie Bier. Eh ben, on a terminé avec l'horoscope. Bah, non. Non, il reste qui? Il reste le Sagittaire, le Scorpion, le Taureau, le Verseau et la Vierge. Eh ben on y va, c'est parti. Allez. Alors Sagittaire, eh bien beaucoup de changements ont eu lieu ces temps-ci. Ils vous apportent des satisfactions sentimentales. Surtout ne changez pas vos positions. Voyez la vie du bon côté et vos relations seront fleurissantes. Oh, c'est bon ça. Allez, un petit coup du côté des Scorpions. Ouais, les Scorpions. Alors les Scorpions, eux, c'est les spécialistes de l'aventure sans lendemain. Mais qui vous comble les combles de bonheur en fait, hein, parce que justement ils ont un côté passionnel et puis sans lendemain et c'est ce qui leur convient finalement aux Scorpions. Ah ouais, ça pique ça. Les Taureaux, vous risquez d'avoir un peu trop de succès amoureux jusqu'à faire des jaloux, notamment avec votre conjoint forcément. Ah ouais. Ne jouez pas avec le feu car les conséquences sérieuses pourraient vous attendre. Ah ouais. En ce moment, je joue avec le feu. Pour les Taureaux, un petit jogging, hein, ça détend un peu. Ouais, c'est la mode en ce moment. En ce moment, jouer avec le feu, c'est un peu compliqué avec le confinement, hein, quand même. Hein. Ah bon. Bah, je sais pas, hein, les réseaux sociaux, il y a des trucs bizarres des fois. Ah ouais, il y en a qui se rencontrent hein, en chatant, avec le chat, hein, carrément. Hein. Ouais, c'est énorme. Bah oui. Ouais, ça arrive. Coup de four. Hein. Bah, il y en a eu juste avant le confinement, tu sais, mais du coup, ils ont choisi de se confiner ensemble. Je t'ai raconté ça la semaine dernière. Ouais, c'est vrai, ouais, c'était bon, ça. C'est rigolo. Les Verseaux. Eh, les Verseaux, c'est parti. Elle est malgré votre tendance à confondre amour et amitié, vous réussissez à faire quand même la part des choses et vous parviendrez avec vos gros efforts à clarifier vos sentiments. Et bah, bonne chance les Verseaux, parce qu'il ne faut pas confondre quand même, c'est un peu embêtant. Eh ouais, ne confondez pas, surtout. On termine avec les Vierges. Eh les Vierges, alors les Vierges. Ah, c'est les plus gâtés, que de bonheur, de joie et de plaisir pour les Vierges. Mmh. Vos rêves deviendront réalité. Carrément, votre histoire idyllique avec votre partenaire, vous êtes sur la même longueur d'onde. Le confinement vous donne l'occasion de vivre des moments d'une rare intensité proche de la fusion. Waouh, carrément les Vierges. Carrément les Vierges, ouais. T'es pas Vierge toi par hasard? Non, moi je suis Sagittaire. Sagittaire, d'accord. Et ben voilà, donc de l'autre côté de l'écran là, vous avez entendu votre signe ce matin. Que du bonheur pour vous, avec notre chroniqueuse Stéphanie Bier. Stéphanie, une petite chronique pour nous? La météo, je m'en suis pas occupé. Vous regardez, il pleut ce matin, mais ça s'éclaircit cet après-midi. Ouais, j'ai regardé moi. Alors en fait, il va pleuvoir ce matin, comme tout le monde peut le voir, parce que tout le monde l'a mis sur Facebook de toute façon. Hein. Il va pleuvoir. Oui. Cet après-midi, le soleil devrait revenir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon bah c'est cool. La deuxième bonne nouvelle, c'est que dimanche, normalement, il fait beau. Ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. C'est la semaine prochaine. J'ai vu beaucoup de pluie. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, ça va être bon pour les jardins, comme tout le monde a planté plein de trucs, au moins ça sera arrosé. Ouais, j'ai planté aussi des trucs dans mon appart, je me suis fait un jardin là, dans l'appartement. Bah, tu peux te faire une petite jardinière avec des herbes pour la cuisine par exemple. C'est ça, voilà, des herbes de Provence, du croc il se décarcasse, Stéphanie Bier. Ouais, c'est ça. Allez ma Stéphanie, une chronique peut-être pour finir, non? Oui, bah, j'ai une belle petite histoire si tu veux. Eh ben on y va, c'est parti ma Stéphanie, avant de retrouver Philippe Alors, Mécura. C'est l'histoire de Cathy et de Adam. En fait, ça se passe du côté de Bègle, près de Bordeaux. Ouais. Cathy, elle a 64 ans, elle est atteinte d'une sclérose en plaques et elle a perdu son mari juste un mois avant le confinement. Ah merde. Et en fait, pour rompre sa solitude qui allait forcément encore plus brutale avec le confinement, son fils a eu la bonne idée de lui présenter Adam, un jeune homme tchadien de 21 ans qui était hébergé dans un foyer. Et en fait, eh bien, depuis le 16 mars, il vit sous le même toit. Cathy lui apprend à cuisiner des petits plats traditionnels à la française, genre pot-au-feu, bourguignon. Ouais. Et Adam, eh bien, lui, il l'aide pour la vie quotidienne, le jardin. Et en fait, bah, Adam, quand il était enfant au Tchad, à 12 ans, il travaillait dans un atelier de couture. Ah, il était couturier. Ouais. Donc bah, maintenant, ils font des masques tous les deux. En fait, ils fabriquent des masques pour donner, pour aider la population. Donc voilà, ils se sont... C'est pas une histoire d'amour, mais c'est une belle histoire d'accompagnement du quotidien et une belle organisation de vie pendant le confinement. Une très belle histoire, en tous les cas. Ouais, formidable. Donc voilà. Ouais, c'est fabuleux. Et puis, pour vous donner un petit truc à faire cette semaine très rapidement et pour vous occuper un peu et vous amuser... Écoutez bien. Il y a un site qui s'appelle « La beauté des restes ». Ouais. Et où on va apprendre à cuisiner les épluchures. Et je vous le conseille, il y a plein de petits trucs sympas. Et bah, en plus, c'est écolo, voilà. Ouais. On fait des économies, on peut faire du pesto avec des fans de radis. Mmh. On peut aromatiser son sel avec les épluchures d'oignon, par exemple. Ah ouais. Donc voilà, la beauté des restes, c'est le nom du site et je vous le conseille. Il fait flipper le nom quand même, les restes. Bon chérie, il reste des raviolis, tu me les mélanges avec les poireaux et puis les tomates et puis le fond de barbecue, là on va se faire un truc demain. Ça fait flipper. Pas de soucis. Merci Stéphanie. Je t'embrasse. Hey, merci de ta bonne humeur et puis de ta joie que tu nous dégages tous les matins. C'est ce que nous disent les gens, Stéphanie. Merci. Voilà, t'as des belles histoires. Il y a marqué belle histoire. Bonjour, ah, bah, ça va. Super. Voilà, en tout cas, des belles histoires puis des bons plans. Et bah, puis, je vous envoie plein de bonnes ondes, un peu de soleil et puis bah, j'espère de la bonne humeur. Merci. Bah, nous aussi, on t'envoie plein de choses. Hein? Gros bisous, à et bientôt. Et puis mange les restes ce soir. Ah, mais moi, y a rien ne se perd, tout se récupère, moi. Voilà, tu sais, ça marche de vivre. Je t'enverrai mes radis, le fond de mes radis que j'ai pas fini hier. Salut Stéphanie Bier. Ciao. Et vous aussi, l'autre côté de la radio, vous allez pouvoir le découvrir au téléphone dans quelques minutes. C'est Philippe Bétura. On s'écoute un titre et on l'appelle. On ira à Porto Rico danser sur un son latino pour te faire oublier la belle latina qui t'a quitté pour Rico. Direction Copacabana ou Acapulco au fond de San Diego comme de la gogo, tout ça pour l'oublier. Que c'est la vida. Fais-toi dans le monde, vais faire la fête comme Pogba. Et quand la Latina regarde la beauté Snapchat, elle voudrait te follow, elle voudrait te follow. Faut positive et dire que c'est la vida. Je t'emmène au Maldives où tous les filles se parfument. On te fera une kiff arrivée à la Havane. Danse à le reggaeton, danse à le reggaeton. Ah, il a changé un petit peu de répertoire là ces derniers temps. Philippe Métura, chanteur de zouk, il a fait les premières parties au Gardales à l'époque avec Kinvé, Collectif Métissé ou encore Matthew Stone. On l'appelle tout de suite en direct. Philippe Métura, c'est parti sur Paris. Allez, ça sonne. Bailando. Va-t-il répondre? Ah, première sonnerie, c'est la valise RTL. Philippe Métura. Allô. Allô. Eh ben on écoute en direct Philippe Métura, bonjour. Bonjour Francky, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. Comment tu vas bien mon Philippe Métura? Eh ben ça va tranquille, on est là en position confinement. Ouais, voilà. T'as vu je t'ai mis ton Bailando en fond là, sympa hein. Ouais. Bailando, j'aime bien ce titre-là que tu m'as envoyé. Ah Bailando, ah oui ce... Ouais. Il change du zouk un peu. Il fait un peu plus soleil reggae, non, reggaeton un peu, non, il sonne un reggaeton, peu. Voilà, ouais. il fait reggaeton, voilà. Ouais, c'est ça, reggaeton, ouais. C'est ça. Bon, Philippe Métura, alors oui. Bah c'est ce que je disais aux gens, grand chanteur de zouk love, de zouk, de compas, oui. Etc. Ça fait combien de temps que t'es dans la musique toi Philippe? Ça va faire 25 ans. Ah ouais quand même, ouais. Donc ça date. Ouais, ça fait 25 ans. Ouais. J'ai fait pas mal de zouk auparavant et là j'essaie de diversifier un petit peu mon registre. Ouais. Je fais un petit peu reggaeton, musique soleil un petit peu et j'essaie de voir pour aller un petit peu plus loin. Voilà. Tu es de quelle origine toi Philippe? Je suis d'origine de la Guadeloupe. À Guadeloupe, voilà, à la Guadeloupe, là-haut, voilà. On aime bien frotter en Guadeloupe, hein. Ça frotte grave. Ouais. Si on se trouve Francky Vincent, on parle de Francky. Ouais. Bon. T'es un fan de Francky Vincent, toi? Ah, je suis un fan de Francky Vincent, ouais. Ouais. J'ai pris la base, toutes mes bases, quand j'ai commencé à chanter, c'était sur Francky Vincent. Francky Vincent, il y a le Zouk Machine aussi. Ouais. Il y a le Kassav, mais Kassav. Ah, les créateurs du Zouk, Kassav. Ah, les créateurs du Zouk, Kassav. Ah ouais. Il y a Gérald qui dit bonjour Philippe, voilà. Ah, voilà. Bonjour. Comment Philippe Métura, il a commencé la musique aujourd'hui? Ça a démarré comment pour toi l'envie de faire? J'ai démarré avec des concours. Ouais. Il y avait des concours de chant et voilà, je me suis inscrit. Et à plusieurs reprises, j'ai été recalé parce que ça ne passait pas. Et de fur et à mesure, j'ai persisté et voilà, je me suis amélioré parce que quand j'ai commencé, je chantais pas très juste. Il y avait un problème de justesse, ouais. Un problème d'élocution et je travaillais tout ça et de fur et à mesure. Et j'ai appris aussi à composer parce que tu composes? Ouais, je compose tout, mais ouais. Toutes mes chansons, je suis auto-compositeur et interprète. Alors moi, je me souviens, les débuts, quand tu es venu au Gardels à l'époque, à Orléans. Voilà, au Gardels. En tout cas, je te remercie beaucoup, Francky, parce que tu m'as donné ma chance de faire les premières parties de Collectif, de Kinvey. Ouais, c'est vrai, Un grand moment pour toi, ça. Hein. À l'époque, c'était des grands moments, hein. Ouais. Ah, c'était super bon moment. Mais le moment que j'ai beaucoup flippé, c'est la première partie de Kinvey parce qu'il y avait tellement de monde et tu avais mis la pression, toi. J'avais mis la pression juste avant quand même. Hein. C'est vrai que cette soirée à Kinvey, la boîte était pleine à craquer. Mais alors quand je dis pleine à craquer, c'était pleine, la folie. Pleine à craquer. Ah ouais. Et toi, tu faisais la première partie. Alors moi, j'étais la première partie. Ouais. Avant, j'étais sur scène, je chauffais le public, ils étaient énervés. Voilà. Et toi, t'arrivais juste derrière. Alors c'était dur. Hein. En tout cas, moi, je me rappelle au Gardels, on cartonnait dans la salle VIP avec ce titre, Amour caché, Amour secret. C'est bon? Ouais. Alors c'est quoi? On a un petit extrait vite fait là. Ah super. Alors ce titre on me le demande souvent. C'est vrai qu'on me dit t'as pas amour. Alors ça s'appelle Amour secret mais les gens me disent Amour caché. Le titre c'est Amour secret. Amour caché, ouais. Ouais c'est amour ça caché. Je voudrais vivre un amour caché. Je voudrais vivre un amour secret. Alors, je voudrais vivre un amour à deux. Aurais vivre avec toi. Ça c'est l'histoire d'une fille qui s'est barrée qui est revenue, non? Voilà. C'est quoi l'histoire de ce titre? Ben l'histoire de ce titre, c'est quelqu'un qui vit un amour caché, bon ben voilà, qui veut pas dévoiler son amour, voilà, ouais. Qui veut pas que les gens sachent, voilà, qu'il est là, qui veut masquer un peu un amour caché, voilà. Alors le zouk, ça fonctionne toujours, je pense. Ça fonctionne, comme tu dis. Bien sûr, mais en boîte toujours, hein, moi, pour l'instant on est confiné. La Tunisie qui nous regarde, salut la Tunisie, ils te font bonjour Philippe, la Tunisie, Karl. Ah, voilà. Salut. Tu as décidé aussi de t'orienter un peu plus vers le reggaeton, hein? Le reggaeton, oui, effectivement. Ouais, pourquoi avoir fait c'est quoi, c'est la mode en ce moment? C'est vrai que c'est une mode aussi? Ben, en gros, j'étais très surpris du gros succès du titre, comment ça s'appelle, le fameux... Comment s'appelle le titre qui a cartonné là en reggaeton? Despacito là. Despacito. Ah ouais, ah ouais, bah, mondial, ah mondial, ouais. Ouais. Et on a, et ah ouais, on, ouais, à, ouais. À force, on avait les oreilles qui saignaient, hein, tellement qu'on l'écoutait en radio. Pff, ouais. Laisse tomber. Ah ouais, ouais, ouais. Et là, tu t'es dit, faut que je fasse quelque chose, hein? Tu disais? Ah, tu t'es dit, faut que je fasse du reggaeton, alors, c'est ça? Voilà, voilà, voilà. Ça m'a inspiré. Comme ça passait tellement souvent, il y a eu des couverts aussi, il y a eu des reprises, j'ai regardé sur le net, tout le monde faisait des reprises. C'était tellement dans la tête, je me suis dit, mais pourquoi pas faire un titre de dans cet esprit? Ouais. Et là, ça m'a inspiré, j'ai travaillé ça avec Mackenzie, on a fait ça, il m'a fait l'instru, et j'ai posé, et ça plaît beaucoup, hein, quand je suis en prestation, je fais mes trucs de zouk, et après, quand je balance, je dis, oh, ah ouais, les gens sont très réceptifs à ce titre, et ça passe super bien. Philippe Métura, juste pour, il y a Christelle de France 3 qui te regarde, hein, voilà, France 3 Orléans, région. Ouais. Voilà, Christelle, la journaliste à France 3, je la salue d'ailleurs, une très très bonne journaliste. Salut Christelle de France 3, on la salue. Philippe Métura, à l'avenir, pour toi, le zouk, ça continue ou c'est en perdition? Oui, ça continue. Hein. Oui, oui, oui. Là, je suis en train de travailler encore sur 6 à 7 titres. Hein. Je prends mon temps là, en ce moment, pendant le confinement. Je suis en train de travailler sur du zouk et sur des chansons soleil aussi. Ouais. J'aime bien les chansons soleil. Oui, je suis en train de travailler et là, ça va être encore plus parce que là, à chaque titre, je vais faire un clip. Ouais. Et comme là, maintenant, tu sais, il n'y a plus le système de CD, alors... Ah oui, ça n'existe plus, c'est fini. Tout sera en téléchargement, voilà. Téléchargement légal, bien sûr, pour quand les artistes... Légal, oui, parce qu'il y a tellement d'illégal. Est-ce que c'est compliqué, comme beaucoup d'ailleurs aujourd'hui en France, en Europe, sur la planète, le confinement, pour toi aussi, c'est compliqué pour les artistes, parce que les artistes, plus de scènes, plus de clubs, plus rien. Ouais, c'est super compliqué. C'est pour ça que j'ai mis sur mon Facebook, effectivement, un grand coucou à toutes les artistes. J'ai mis une photo avec pratiquement toutes les artistes, un peu de tous horizons, de dire, il faut tenir bon, en espérant que ce virus va s'en aller et qu'on va reprendre, effectivement, parce que ça nous manque un petit peu, le public, les shows, les prestations, et surtout moi aussi, j'avais pas mal de prestations de prévues, j'avais un truc en Allemagne au mois de juillet, j'avais au mois de juin aussi à Strasbourg, j'avais un truc sur Lyon, il y a pas mal de Limoges aussi, il y a tout ça été annulé, annulé, reporté. J'avais aussi une grosse soirée aussi avec j'ai pas le planning sous les yeux. Ouais, je me doute bien. C'est une grosse soirée. Enfin, il y avait des soirées prévues, il y avait des galas prévues, et puis malheureusement. Il y a beaucoup de galas prévues. Tout est annulé. Suspendu, annulé, enfin, entre guillemets. Reporté. Voilà, reporté. Bonjour Franck, O7, merveille. Ouais, salut Daniel. Ouais, on va le faire venir O7, Philippe Métura, bien sûr. Ah, mais ça sera avec plaisir. O7, ah oui, ça va sur une réouverture. Ouais, t'as changé de club. Bah ouais, on a changé. Le Gardel, c'est fermé. Bah, le Gardel, il a brûlé, il a brûlé avec nous. Il a brûlé. Bah oui, tu sais, Philippe, maintenant. Ouais, c'est pour ça que maintenant on est au 7 et puis on est bien. Puis il y a Gaël qui nous fait coucou. Salut Gaël. Philippe Métura, alors le tu m'as envoyé des titres hier. Il y a Bailando, Faut se lâcher, Maria Perfecta. C'est Maria Perfecta. C'est quoi la nouveauté là-dedans? Il y a toutes des nouveautés ou je peux choisir un titre? Oui. Tout ça, c'est Faut se lâcher, effectivement. C'est le dernier titre. C'est le dernier? D'accord. Soleil. Ok, d'accord, mon Philippe. Philippe Métura, un dernier mot peut-être à rajouter pour terminer ce bel interview avec les auditeurs qui nous regardent. Ouais, ben je te remercie déjà de m'avoir invité à ton émission, merci beaucoup, et je dis à tout le monde de rester, de ne pas bouger, on va attendre un petit peu, on est pratiquement sur la fin. Sortez masqué. Comme Zorro à l'époque. Si vous sortez, c'est vrai, il faut sortir masqué. C'est important ça de rester chez soi, Philippe. Hein. Voilà, restez chez toi. Donc, comme moi aussi, je suis à la maison, en train de travailler. Ouais. Et j'ai une passion aussi, je fais du dessin. Alors, je dessine beaucoup, je fais du dessin et je compose. Voilà. Merci. Bon, Philippe Métura, merci de nous avoir consacré quelques minutes. Je te remercie beaucoup, Francky. Merci à tous les auditeurs. Merci à tout le monde aussi qui sont connectés. Gros bisous et à très bientôt. Il y a du monde. Alors, Faut se lâcher, juste avant de terminer. Faut se lâcher. Le titre, il a été écrit pour qui? Pourquoi? Comment? C'est quoi l'histoire de Faut se lâcher? Faut se lâcher. Bon, c'est pas Faut se lâcher, une caisse. Non, c'est pas ça. Philippe, je t'inquiète. Non, c'est que, après des semaines de boulot, après la fatigue, tout ça, on va en discothèque, on va au set. Voilà, pour se lâcher. Voilà, c'est ça. Et ben en tout cas, ça me fera un plaisir de te recevoir au 7 discothèque. J'adore aussi, Francky. Là, ça va être une soirée caliente soleil, hein, je te le garantis. Caliente soleil, voilà, c'est voilà. Ça. Merci, Philippe Béthura. Merci beaucoup, Francky. Bisous, bisous. Ciao. Et on écoute sur la radio, faut se lâcher, la version de Philippe Béthura. Ciao. On écoute Philippe Béthura, faut se lâcher. Et on aura Cécile au téléphone et on aura Fabien Dumas avant midi. Le soleil atteint ta peau, ce qu'il faut que je t'en pense. Si tu veux t'amuser, mets-toi dans l'ambiance. Le soleil a ta journée, au début tu es balance. Aujourd'hui c'est week-end, la semaine trop de stress. On a qu'une seule idée, c'est de se lâcher toute la soirée. On est en mode week-end, il faut décompresser. L'ambiance est assurée, y'a tout ce qu'il faut, qu'est-ce que t'en penses? Philippe Métura, faut se lâcher, c'est son nouveau hit. Tout le monde chante, tout le monde danse. Na, na, na, na, na. Tout le monde danse, tout le monde chante. Na, na, na, na, na, na. Tout le monde chante, tout le monde danse. Na, na, na, na, na. Tout le monde danse, tout le monde chante. Na, na, na, na, na. Tout le monde chante, tout le monde danse. Philippe Métura qui sera à l'ouverture du set, notre invité bien sûr d'honneur. Il a fait les premières de Kinvey du collectif de Matt Houston. Et là c'est son nouveau hit, faut se lâcher puis les souvenirs, zouk, avant de repartir avec Cécile qui nous parle de mariage. Eh ouais, pendant le confinement, avant ou après. On en parle dans moins de 5 minutes avec Cécile et puis les bons souvenirs. Et puis le titre qu'on a fait avec Saint-Ange, laisse-toi aller, elle aime les DJ, il arrive. Moi je viens d'Afrique. Let's go. C'était bon souvenir ça avec Passy, laisse parler les gens. Le collectif Métissé, ils ont démarré chacun de notre côté. On a commencé avec des titres et puis à l'époque avec Saint-Ange, et on s'était marré avec ça. Écoutez, vous vous rappelez, Party Cool. Et puis on va retrouver Cécile, on va parler de mariage. Et puis Fabien Dumas, notre chroniqueur. Et ça on adorait à l'époque, on était numéro 1. Bon, ça partit court, Saint-Ange du collectif Médicé. On aura au téléphone lundi, ça me fera vraiment, vraiment plaisir. Philippe Métura qu'on a eu tout à l'heure au téléphone. Et puis, Philippe, c'était ça à l'époque au Gardal. Et ça, on adore. Écoutez, là, vous allez pouvoir vous frotter, vous coller avec Philippe Métura. On adore, c'est le coup de cœur. C'est difficile de préserver un amour qu'on ne veut pas exposer. Mais il y aura toujours quelqu'un pour dire, allez répéter. Tout pour éviter cela, la dîner les sorties en amoureux. Je crois que c'est vraiment le prix à payer. Oh, ça c'est mon coup de cœur du matin, Philippe Métura. Amour caché, je voudrais vivre un amour secret. Je voudrais vivre un amour à Dieu. Pour vivre avec toi, je voudrais vivre un amour caché. Je voudrais vivre un amour secret. Je voudrais vivre un amour à Dieu. Je n'oublierai jamais à pardonner les gens qui font semblant d'être avec toi. Mais il suffit que t'aies le dos tourné pour qu'ils puissent te dénigrer. C'est pour cela que je dis à tous ceux préserver leur amour secret, comme disait la devise et le dicton, pour vivre au vivant. Je voudrais vivre un amour caché, je voudrais vivre un amour secret, je voudrais vivre un amour à Dieu, pour vivre avec toi. Je voudrais vivre un amour caché, je voudrais vivre un amour secret, je voudrais vivre un amour à Dieu. Ça, il sera notre invité au 7 à la réouverture, bien sûr, après avoir fait les premières parties de Kinvé du collectif de Mathieu Stone. Philippe Métura sera chez nous en direct. Un peu de soleil, ça fait. Salut Dani qui est là, salut Virginie, ça me fait plaisir. Là, en direct de la radio. Et puis notre invité qui arrive, notre chroniqueuse, on va parler mariage. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Ah ouais, c'est autrement, puis on appelle Cécile. Salut mon Dani, coucou mon petit frère. Bah ça va mon grand frère, comment tu vas bien? Là je suis en émission radio. Cécile, bonjour Cécile, bonjour. T'es en direct. Ça va? Et toi, comment tu vas bien ce matin? Ça va, Je fais le ménage. Tu fais le ménage. Mets pas de Bluetooth ou de haut-parleur, hein, parce que faut que tu mettes le téléphone devant la bouche, comme si tu suces une glace, tu vois. Tu suces une glace. C'est bon? Ouais. Tu m'entends bien? Oui. Alors, Cécile, toi, tu organises le package pour les personnes qui vont se marier, par exemple. Une personne qui va se marier, des personnes. Tu fais le package complet, l'organisation du mariage de A à Z, si je me trompe pas, c'est ça? Tu me rattrapes, ouais. Si c'est pas bon. Ouais. Oui. C'est ça? Oui. Oui. Alors, comment se passe justement quand on est en confinement aujourd'hui, les gens qui sont en confinement, qui devaient se marier là au mois de ça, parce que ça va arriver là au mois de juin, les mariages juillet, ça se passe comment? Alors, la saison a commencé déjà au mois d'avril, ouais. Et pas correctement. Ouais. Donc, déjà, tous les mariages d'avril ont été annulés, donc reportés. Ah mince. Ouais, c'est pas annulé. Est-ce que tu as eu des annulations? J'ai un couple qui s'est séparé. Non, t'es sérieuse? Oui, la pression est tellement forte au moment de les préparations du mariage qu'il y a des couples qui pètent. Ils pètent un câble, c'est-à-dire? Par rapport à quoi? Il y a un couple sur 10, à cause de la pression du mariage, se sépare généralement 3 semaines avant le mariage. Et ça t'est arrivé une fois alors? Oui. Voilà, y a pas d'amour, c'est pas possible, parce que même s'il y a la pression du mariage, ok, mais derrière il y a quand même l'amour, la personne, tu l'aimes ou pas, si tu te maries c'est que t'as fait un bon choix dans ta vie quand même, là ça fait flipper. Le confinement il fait beaucoup aussi en ce moment. Ouais, le confinement aussi, ou alors le mec ou la grossesse elle a trouvé un mec ou une fille entre deux, ça se trouve, entre deux. Ben voilà, dans ce cas là c'est qu'il n'y a pas d'amour. Voilà, c'est qu'il n'y a pas eu d'amour. Alors pendant le confinement ça se passe comment une organisation de mariage justement? Est-ce que c'est pareil qu'avant? À mon avis il y a quand même des changements là-dessus, non? Alors en ce moment, il y a beaucoup d'angoisse auprès des mariés comme des prestataires. Ouais, tu m'étonnes. Donc moi, mon rôle de wedding planner, c'est d'être positive et de leur expliquer que c'est que partie remise, que ça permettra de mettre l'argent un peu plus dans le budget du mariage. Et là, je te rejoins, Cécile, parce que c'est vrai que quand on est confiné, on fait des économies. Moi, le premier, je me rends compte, moi qui suis un gros dépensier, je dépense quasiment plus rien. Moi, je m'achète des fringues, je vais au resto, etc. Surtout au resto, dans les bars, etc. M'amuser, puis aussi me montrer. J'aime bien me montrer pour parler aux gens, aux clients. Et puis, j'ai vu que j'avais gagné pas mal d'argent, enfin gagné, économisé de l'argent. Donc là, c'est pareil pour les mariages, alors. Oui, c'est pareil, parce que des choses que tu dis, j'aurais bien voulu le faire, mais j'ai manqué de temps, j'ai manqué d'argent. Tu vois, par exemple, on en a qu'on a reporté pour le mois d'octobre. Ouais. Ça fait quasiment 6 mois d'économie pour pouvoir acheter ce qu'ils veulent. Voilà, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire un mariage un peu plus amélioré, on va dire. Hein. Ouais, c'est... Moi, je vois ça d'un bon côté. Sur le côté, on repousse, ça permet de gagner plus et de faire encore mieux. Et après, est-ce que justement de repousser, est-ce que ça ne fait pas flipper de dire peut-être qu'ils vont réfléchir à deux fois et peut-être pas me prendre comme prestataire, de voir d'autres moyens, parce que les gens ont le temps d'aller sur Internet, de voir des choses et se dire je vais trouver une autre solution? Non, je sais pas, hein, c'est une question. Justement, c'est mon travail, moi, c'est d'aller renégocier avec les prestataires, ouais. Éventuellement d'avoir des tarifs préférables. De l'autre côté, par exemple, si on avait un doute sur le traiteur, ça permet d'aller goûter ses plats. Ouais, c'est ça. Alors, en général, un mariage classique, ça coûte combien avec toi? Enfin, en gros, hein, pour en donner une tarification, un truc classique, hein, pas dans le gros haut de gamme, un classique. En France, mais un mariage réussi quand même, hein, pas un truc, voilà, oui. Un. Alors, en France, il est connu pour un mariage de 50 personnes. Ouais, à peu près, ouais, 50 personnes. Ouais. Là, c'est des petits mariages, mais avec des revenus corrects. Je parle bien sûr. On est sur du 10 000 euros. 10 000 euros à peu près, ouais. Un mariage de 50 personnes, voilà. Avec un petit revenu sympa. Un bon mariage. Un bon mariage à 100 personnes, il faut compter 15 000. Ouais, combien? Et après, 15 000. 15 000, ouais, d'accord, 15 000 euros, ouais. Voilà. Après, on arrive encore à faire des mariages de petit budget. J'ai réussi à faire des mariages avec moins de 5 000 euros. Attends, il y a Dani qui me dit qu'il devait se marier. Félicitations, Dani. Je devais me marier avec ma femme le 25 avril. C'est reporté l'année prochaine. Pour l'instant, pas de date. Voilà. Ah, Dani, je savais pas. Dani, regarde, peut-être que. Dani, lui, il connaît la musique. Hein. Il a pas besoin de DJ et tout ça. Mais peut-être qu'il a besoin d'autre chose. Hein. Ouais, non, justement, nous, on sert pour faire la coordination aussi avec tous les prestataires et les mariés. Ouais, d'accord. Salut Popo, Rodolphe d'AutoSure qui est là. Il me salue aussi. Salut Cécile. Cécile, comment tu vois l'avenir aujourd'hui, toi, confiné chez toi aussi, pour trouver des clients qui vont se marier? C'est facile aujourd'hui parce que tout le monde pense un peu à cette maladie, enfin cette pandémie de merde. Alors sur le point de vue professionnel, je vois sur une autre manière. Maintenant, je vais faire plutôt du YouTube et de la vidéo un maximum. Ouais. Pour montrer de quoi je suis capable de faire, vu que maintenant je peux plus être sur le terrain pour montrer ce que je suis chez moi. parce que ma manière de travailler et d'être ne changera pas. Ouais. Là, on est confiné, certes, en gros, jusqu'au mois de juin, il faut être honnête. Ouais. Mais après le mois de juin, on va revivre. D'accord. Voilà, après, faut être toujours positif. On a vécu le pire, maintenant, on peut vivre que le meilleur. Ah, bah là, on peut pas faire pire, je pense, aujourd'hui. À moins qu'il y ait une bombe qui explose sur la planète, on peut pas faire pire. Ah, puis tu sais, je suis un vrai bisounours. Hein. Ouais. Est-ce que toi aujourd'hui tu crois que bah justement le net c'est ce qui t'a fait avancer, améliorer les choses et c'est l'avenir aussi pour toi bah justement de faire des vidéos, de présenter tes produits, de ta présence. Ça permet de toucher plus de monde. Ouais. Mais ça crée pas le relationnel avec les gens comme on peut avoir autour d'un café. C'est vrai. Le relationnel, c'est important de rencontrer les futurs mariés, de discuter avec eux du projet, etc. Hein. On en rigolait hier avec mon mari. Et ouais. En ce moment, on fait toute la paperasse qu'on n'a pas fait et les nouveaux projets. Ouais. Mais on a hâte de retourner visiter les lieux, les caves, les restaurants. Ah ouais, c'est important ça. C'est important. Ah bah oui, surtout quand on est gourmand. Ah oui, les caves, c'est important, les caves. Il y a Stéphanie qui nous dit les divorces aussi ont été repoussés. Stéphanie, elle oui, alors ça, c'est reporté à cause des avocats, de la Cour de justice, donc je ne peux pas m'apporter plus sur ce niveau-là. Mais par contre, je fais aussi les divorces parties. Ah, les divorces parties, ça existe aussi, ça? Bah oui, c'est américain. Ah la vache! Je savais même pas que ça existait. Il y a Rodolphe. Vas-y, alors. Ouais, vas-y. Le mieux, c'est de faire une partie de rugby avec les témoins. Ouais. La mariée en mariée, le marié avec son costume. Ouais. Et ruiner la robe et le costume. Ah ouais, c'est bon ça. Au moins, la robe. Au moins, on casse ses nerfs, quoi. C'est ça que ça veut dire. Totalement. Il y a Rodolphe qui nous dit Francky, est-ce que tu veux te marier? Oh non, moi, je vais pas me marier à 50 balais. Il y a Rodolphe qui dit je ferai le curé. Bon, bah voilà. Comme ça, c'est fait. Eh bien, Cécile, on te remercie de ce petit témoignage sympathique ce matin en direct. Et puis, n'hésitez pas aussi. Donne le nom là, de ta page Facebook. Ça s'appelle comment? Mister et Mrs. Conseil Event. Voilà, Mister et Mrs. Conseil Event. Voilà, je le répète pour que les gens ils comprennent bien. Voilà, si vous voulez vous marier là prochainement ou si vous avez décidé de vous marier peut-être un jour, eh bien, n'hésitez pas. Hein, elle a des bons conseils. Bon, on peut t'appeler, demander juste des conseils. Est-ce que c'est payant des conseils? Par exemple, si quelqu'un dit, bah moi j'aimerais bien ça. Alors, moi j'offre une heure de consultation. Ah, bah c'est bien. Ouais, c'est comme un médecin quoi. Voilà, une heure. Voilà. Ah, c'est sympa. C'est pas remboursé par la Sécu. Ouais, je m'en doute bien. Ouais, ouais. Voilà, et après on part sur des contrats de 2 heures, enfin en fonction de ce qu'il y a besoin. D'accord, merci Cécile. De rien, à bientôt. Plein de bisous, hein, puis bon courage pour le confinement, reste chez toi. Hein. Ok, bah on reste à la maison. Voilà, bisous bisous. Salut. À très vite, et puis il était notre invité ce matin, Philippe Métura, qui sera bientôt au 7. Écoutez, un de ses extraits de ses premiers albums, voici Sarah, Philippe Métura, et puis Fabien Dumas, qui sera notre chroniqueur au téléphone dans 10 minutes avec nous. Philippe Métura. Dans ce piège d'amour qui m'a fait tant souffrir depuis ma dernière relation. Et là, je n'ai rien vu venir. Le courant est passé entre elle et moi. C'est une histoire d'amour, une belle histoire. Une belle histoire. Enfant de toi, tu te sens fort. Avec le temps, tu verras pas les temps. Le jour où tu t'attends de moi, ça te tend sur la mer. Je ne veux pas jouer avec tes sentiments. Je voudrais seulement te prouver. L'amour existe vraiment. Mon souhait c'est de te voir sourire. Et dire que c'est fini. Et gourmer tous ces souvenirs. Je crois qu'il est amoureux. C'est bon ça, hein, Philippe Métura. Eh ouais, puis il y a du monde qui nous appelle. Allô, qui va là, je te prie. Bonjour, Laurent. Oui, tranquille, salut. Et eh, puis salut aux zinzins. Salut mon zinzin préféré, Laurent. Ouais. Je voulais que tu nous appelles parce que là, on parlait des organisations de mariage avec Cécile au téléphone. Oui. Et puis, bah, voilà, c'est vrai. Cécile que je connais également. Voilà. Que tu connais également. C'est normal. Vous êtes sortis ensemble, non? Non, mais... Vous avez travaillé ensemble. Si tu veux, Cécile... son mari, ouais. C'est donc Pilette traiteur, donc c'est pour ça qu'elle travaille un petit peu, ah ouais, d'accord. Si tu veux, en relation avec monsieur Pilette, quoi. D'accord, voilà. Okay. Et donc bah toi, Laurent, bah toi tu loues de la vaisselle pour les mariages, les accessoires, etc. Enfin, que de la vaisselle, je crois, hein, c'est ça, mon loup. On a bossé ensemble. Alors, je loue de la vaisselle, effectivement, plus tout ce qui s'y rattache, donc c'est-à-dire du matériel comme des tables, des chaises, le nappage, ouais. Enfin tout ce qui va sur la table, donc pour les mariages. Quoi. Et Laurent, je fais ça depuis 23 ans sur Orléans et, ouais, et périphérie. Moi, je voulais dire bravo à toi parce que moi, j'ai bossé avec toi. Alors, c'était pas sur de la vaisselle, au garde-à-l'aise à l'époque, quand on faisait les petits oui. Deuils. Nous, on faisait alors, c'est énorme. Je me souviens des 31 décembre. Voilà. Tous les 31 décembre, pendant quelques années, chez toi, on louait les grosses cafetières. Parce que après le réveillon, il y avait le café, il y avait etc. Et c'était des cafetières immenses. Et c'est vrai que tous les ans, on allait chez toi. Et à chaque fois, je disais, faut qu'on aille voir Laurent là pour louer nos cafetières pour le 31 décembre. Hein. Voilà, oui, je me souviens. C'était le rituel. Et hein. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que quand tu m'en as plus loué, je t'ai téléphoné pour savoir ce qui se passait, puis tu m'as dit, le Gardel, ça a brûlé, malheureusement. Voilà. Ah putain, voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tout le monde est pas au courant. Pas au courant. Tout le monde ne suit pas toutes les infos non plus. Mais c'est vrai que quand tu m'as appelé, j'étais un peu anéanti. Et quand je t'ai dit, non, désolé, le Gardel, ça brûler, on fera plus de 31 là-haut. Mais on en fera au 7 l'année prochaine, on fera un truc avec toi, mon Lolo. Hein, oui, comme tu as redémarré la boîte de nuit d'Aucassin-Gilles. Hein. Voilà, le moment on redémarre. Alors, comment ça se passe justement avec toi pour la location de vaisselle en ce moment? C'est compliqué, hein, chômage partiel? C'est très compliqué, et puis donc on n'en voit pas le bout, quoi, parce que le déconfinement va avoir lieu. Ah là là. Et si tu veux, on va pas travailler pour autant, parce que les gens ont un petit peu peur de forcément de cette maladie, et ils veulent pas faire courir de risques à leur famille ou à leurs proches. Ouais. Et donc toutes les fêtes sont systématiquement reportées à l'année prochaine, tant qu'il n'y a pas de médicaments ou de traitements ou de vaccins. Ou de vaccins, ouais. On est complètement dans la balade, donc c'est compliqué. C'est vrai que c'est à double tranchant parce que d'un côté les gens veulent tous sortir, mais de l'autre côté, quand ils vont sortir, on se dit ouais, mais je vais pas aller là, ou je vais pas faire ci, je vais pas faire ça parce que j'ai peur d'être contaminé. C'est ça aussi. Hein. C'est ça. Donc ça limite les fêtes. Ouais. Et puis on sait pas après au niveau du gouvernement quelles vont être les annonces. Est-ce qu'on va pouvoir faire des fêtes à 20, 30 personnes, 50? Ouais. Est-ce que ça va être limité? Ah, les boules. Voilà, c'est toutes ces questions-là, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est des vraies questions. En tout cas, on te remercie de ton petit témoignage, et puis longue vie à toi, hein, et puis bonne location de vaisselle, alors pour si ça repart. Et voilà. Ça va écoute, merci Francky, et puis à bientôt, alors. Ouais, très vite, mon ami, bisous. Allez, salut. Ouais, salut. Juste avant d'appeler Fabien Dumas, notre chroniqueur, les bons souvenirs, l'été 86, on était à Radio 5 Orléans. Un mec que j'ai très bien connu en radio, voici Gérard Blanc, une autre histoire, et puis on appelle Fabien Dumas, le chroniqueur. Oublie tous les barrages qui nous empêchent d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose est sans faire avancer. Salut Stéphanie, ça va? N'oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux. On va appeler Fabien Dumas, la prochaine fois, le chroniqueur. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se passent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence. Belle histoire radio. Et on démarre une autre histoire. Et on démarre une autre histoire. Et ça c'est une autre histoire. c'est vrai, pour appeler Fabien Dumas. C'est ce que dit Séverine en direct à la radio. Après le confinement, on démarre une autre histoire. Gérard Blanc, salut Karine, en direct à la radio. En direct de chez Francky Radio, le confinement, c'est autrement. Ouais, le confinement, c'est autrement. L'histoire que j'avais avec Gérard Blanc, c'est que quand j'étais à Vibration, je descendais souvent la machine à café. Et puis là, en bas, il y avait les studios d'enregistrement. Et puis je suis tombé un jour sur une jeune fille qui était magnifique. Et je la regardais, je me suis dit, mais vous, tu ressembles à quelqu'un. Elle faisait les voix radio, elle, pour le groupe Vibration. Et je lui dis, tu ressembles à quelqu'un. Et là, elle me dit, ouais, je suis la fille de Gérard Blanc. Voilà, je fais des voix radio. Et c'est vrai que c'était son portrait craché à mon ami. On va appeler Fabien Dumas, notre chroniqueur radio, tout de suite. Voir s'il est disponible, Fabien. Voilà, c'est parti, ça numérote. Allô ? Ah, Fabien Dumas, le chroniqueur magique. Comment il va bien ? Salut Francky, salut à tous et à toutes. Ça va, t'es enfermé à la cave? Nickel, ouais, ça va. Salut le Sud, salut Karine, on la salue Karine. J'espère que tu vas bien Karine, j'espère que Jeannot va bien aussi. Il fait des gros bisous de notre part. Fabien Dumas qui est à la bourre aujourd'hui, il est presque midi. Eh ben je suis là, je suis prêt à vous faire quelques informations. Ouais, parle un tout petit peu plus fort et ça ira mon ami. Eh ben un peu plus fort, eh ben ça marche. Est-ce que là tu m'entends bien? Voilà, on t'écoute. Une chronique qui démarre avec quoi, mon ami? Alors avec une petite dame de 93 ans. Ah la vache, ouais. Une américaine de 93 ans qui a fait savoir sur les réseaux sociaux qu'elle allait bientôt manquer de bière. Ah, à cet âge-là, dis donc. Oh là là. Alors, forcément, c'est avec modération. Bah oui. Mais la marque de bière préférée par cette dame âgée lui a envoyé 150 canettes. Non, c'est vrai? C'est quoi la marque? Donne la marque. Il y a la marque ou pas? Ouais, non, j'ai pas la marque. Mais ah, c'est dommage. Ah ouais, non. Mais j'espère qu'elle va pas tout picoler d'un coup. T'as le bonjour de Rodolphe, t'as le bonjour de José, de Karine, de tout le monde, mon ami. Eh ben voilà, eh ben écoute. Eh ben, la dame âgée, 93 ans, là, elle a bien picolé, hein, à cet âge-là, hein. Ah ben, ouais, je pense que ça va lui tenir au moins une semaine, hein. Et je vous rappelle, pour la radio, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, les amis. Voilà, une belle chronique encore qui démarre avec toi. On a un bon plan encore, Fabien, avec toi, une belle chronique. En direct, Fabien Dumas, chroniqueur. Eh ben, ça va, j'ai encore une autre information, si tu veux. Ouais, les informations! D'ailleurs, Pernod, t'as vu, Pernod, il s'est lâché, Pernod, hein. Je sais pas si t'as vu. Alors là, ça se passe en République tchèque. Ouais. Et la police tchèque à Prague, entre autres, demande aux nudistes de bien porter un masque sur leur visage. Ouais. Et pourquoi? Sur le visage. Et pourquoi pas en bas? Ben voilà, faut se protéger les muqueuses. Ah, les muqueuses, c'est important, les muqueuses, mon ami. Ah, le nez, la gorge, la bouche, tout et ça, ouais. Voilà. Eh ouais, tout ça. Alors, on peut se promener tout nu, mais avec un masque. Ah, on peut. Alors, on a le droit de se promener à poil. Ça fait penser au Cap d'Agde, hein, ça, à l'époque. Hein. Ouais, je salue les gens du Sud qui nous regardent. Salut Jeannot, salut Karine. Ça me fait plaisir que vous regardiez le live de la radio, là. Voilà, je leur fais un big up aux gens du Sud, Montpellier, Cap d'Agde, tous mes amis qui sont confinés aussi là-haut. Séverine, merci à toi également. Merci, t'as des merci, Fabien Dumas, pour toi. Ouais, bah écoute, j'ai encore deux petites infos. Allez, une petite, là, pour filer une bonne. Allez, un truc de ouf. Alors là, on sait bien qu'on est tous enfermés chez nous là depuis maintenant un mois. Eh ouais. Eh bien, il y a un journal local qui a demandé aux gens de faire des témoignages sur leur rupture par vidéo avec leurs amis, leurs conjoints et leurs conjointes. C'est énorme ça. Eh voilà. La gueule de la rupture. On en parlait justement de mariage avec Cécile juste avant. Et la rupture, et ouais. Ça fait mal quand même en vidéo. C'est comme quand tu plaques un mec ou une meuf par SMS, tu sais. Ça c'est petit ça des fois. Tu sais, tu reçois un SMS. Ah, bah, je voulais te dire qu'en fait ça peut pas durer, ça colle pas toi et moi, tu vois, ça c'est le truc qui tue quoi. Hein. Ça m'est arrivé. Hein. Ça t'est arrivé toi aussi Fabien dans ta carrière? Non, ça m'est pas arrivé encore heureusement mais ouais. Bon. Non, moi ça m'est arrivé hein, ça m'est arrivé. Hein, ah ouais, là c'est la misère ça. Ouais, c'est la misère. Bon bah Fabien, merci de cette belle petite chronique ce matin. Reste confiné aussi. Écoute, ouais, si tu veux j'en ai une dernière mais sinon je la garde pour la semaine prochaine. Ah non, vas-y une dernière, moi je suis là, hein. On est là jusqu'à midi hein. Alors ça se passe à Las Vegas, en Amérique. Il y a un mystérieux groupe anonyme qui a collé des casquettes et des moumoutes du président américain sur des pigeons. Non. Et a lâché une centaine de pigeons déguisés pendant une manifestation aérienne à Las Vegas. Et ils ont chié, les pigeons. Ils ont chié dessus. Eh, c'est vrai, ah, que, bah, voilà. C'est vrai que Trump, il a quand même un pet au casque. Hein. J'ai vu là, dernièrement. Il faut l'écouter hein, à la télé, j'écoutais. À un moment, il a dit, mais ça se trouve, on pourrait peut-être injecter du produit, là, tu sais, les produits pour les mains, là, pour se laver les mains, le gel. On pourrait injecter ça dans les poumons des gens. Ça peut être efficace. Ben voilà. Il a dit, je suis pas médecin, mais ça pourrait le faire. Il faudrait trouver une solution là-dessus. Je pense que les chercheurs ont déjà pensé à cette solution ou alors à un dérivé de cette solution. Hein, ça, c'est sûr. Eh ben, bien sûr, oui. Ouais. Et en parlant de journalistes, justement, je parlais de Pernaud qui s'est lâché à la télé aussi, là, hier, Pernaud. Ouais. Il s'est lâché au 13h qui fait de chez lui confiné. Il s'est lâché sur l'État français. J'espère pour lui qu'il n'aura pas de bâton dans les roues par la suite. Parce que tu sais comment ça se passe en France, hein, quand t'es surtout à TF1. Hein, ouais. Et voilà. Bon, en même temps, il a fait une grande carrière, Pernaud. Donc là, maintenant, il peut. Ouais, il s'en fout, il a une grande carrière, le mec. Dany, son mariage est reporté en 2021. Bah oui, mon Dany. Et j'espère que je serai invité, Dany. Hein. Ça fait peur, dit Gérard. Bah oui, Gérard. Bon, Fabien Dumas, ça va, le confinement se passe bien? Eh ben écoute, moi ça va, là je sors du travail, donc là ouais. Ça va, là, je vais rentrer me confiner. Alors toi t'es sur une émission radio aussi la semaine, hein, c'est tous les mardis je crois, c'est ça, si je me trompe pas? C'est le mardi sur internet, sur Radio Web Passion, ouais, tout à fait. Voilà, vous pouvez retrouver sur le net Radio Web Passion, vous retrouvez Fabien Dumas. Si de l'autre côté de la radio vous êtes fan de rock ou de sons qui claquent, de rock alternatif, rock français, c'est ça Fabien, tous les styles tout de rock? Tout à fait, tout voilà. À fait mon Francky. Voilà, là si vous êtes fan de rock, là vous pouvez pas tomber mieux en émission, là vous serez servi avec Fabien, avec des beaux invités, avec plein de choses, des interviews, etc. C'est une belle émission. Et c'est à quelle heure sur Radio Web Passion? C'est de 17h30 à 19h. Et ben voilà, le message est passé, Fabien Dumas. Et ben, un big up à toi, mon Francky. Merci beaucoup. Ben, merci de nous avoir rejoints dans une petite équipe de chroniques confinées. Hein, c'est toujours avec plaisir, mon Francky. Bisous, Fabien. Allez, bisous à tous. Bisous, Francky. Ciao. Bisous, bisous. Merci, les amis, de nous suivre tous les midis. Là, on va bientôt se quitter. Moi, je voulais, juste avant de terminer... remercier, alors je vais vous raconter une histoire de dingue qui m'est arrivée hier soir, et ça c'est la vérité, hein. Je suis pas un mytho, hein. Hier soir à 22h, j'étais chez moi, comme tout le monde d'ailleurs, et puis on m'a appelé, qu'est-ce que je vois, 22h01, télésurveillance, bah de la discothèque donc, parce qu'on est télésurveillé, caméra, intrusion, etc. Je vois télésurveillance, donc je réponds, on me dit oui, on a une alarme intrusion au 7 discothèque, donc je regarde les caméras, je vois rien du tout, et comme on a signé un pacte, entre guillemets, avec la gendarmerie. D'ailleurs, je voulais les remercier parce que hier ils sont intervenus. Ils sont arrivés avant moi à la discothèque, ils sont intervenus, ils ont fait le tour de la boîte, etc. Et franchement, ils étaient là en moins de 5 minutes. Voilà. Après, c'est peut-être un cas un peu isolé, moi. Mais en tous les cas, ils ont joué le jeu, le rôle. Et merci pour eux qui surveillent le commerce pendant que nous, on est fermés, on n'est pas là. Parce qu'on n'habite pas forcément à côté. Mais en tout cas, c'est super bien surveillé. Merci à la gendarmerie qui sont intervenus hier soir en force, parce qu'ils étaient une dizaine quand même. Hein, et puis armés comme à la guerre. Et voilà. Allez, Hop Ten Girls arrive. Salut la famille. c'est bon ça, Billy Joel. Tiens, Lise, appelle-nous, voici le numéro. Si vous en parlez justement de l'EHPAD de maison, justement les aides-soignants, on leur fait un big up aujourd'hui. Appelle-nous si tu veux, t'as le numéro qui est là, on te prend en direct si tu veux faire un petit message. Merci à Rodolphe, à Popo, mon ami Rodolphe Popo qui m'a prêté la tondeuse pour les tons de la pelouse du 7. Ouais, merci mon poteau, merci à France 3 qui est là. Tiens, France 3, regarde Christelle, faut parler à France 3 de maison, là, le pad, les soignants. Annelise, tu nous appelles si tu veux, voilà, t'as le numéro qui est là. En plus, il y a François qui regarde, alors tu vois, tu peux communiquer maintenant. Hein. Voilà, ma chérie, tu peux nous appeler tout de suite, voici le numéro. C'est bon ? Ben, merci à vous, merci à France 3, Christelle Chapletin qui est souvent là, sur mes directs. Encouragement au personnel de maison, Fleury, on n'en parle pas assez. Eh ben, appelle-nous, Annelise, je te file le numéro, si t'as 2 minutes. Je te consacre 2 minutes à l'antenne. Voilà, et le numéro, il est là. Voilà, si tu veux m'appeler, 07 87 07 82. 0-1 les amis, bah oui c'est comme ça, ça fait du bien de vous retrouver. Et puis lundi, bah une émission spéciale avec des titres que vous avez demandé, ça sera lundi parce que le dimanche je suis pas là, enfin je suis chez moi mais je souffle un peu. Ah tu peux pas maintenant, et ben lundi on en parlera si tu veux Lise, y a pas de problème. En tout cas merci à vous de me suivre tous les jours, je reprends le téléphone pour faire un bisou. Hop là, voilà, merci d'être là tous les jours, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Là, c'est le samedi, c'est une émission radio hein, avec plein de trucs. Ça me fait plaisir. Donc lundi, une émission spéciale. Eh ouais, lundi, c'est vous qui avez fait la programmation. Donc j'en ai une cinquantaine de personnes qui ont mis des messages. Je vais tout réunir, tout mettre sur une playlist. Et puis bonjour à vos titres préférés avec les dédicaces. Voilà, salut aux personnes qui travaillent à deux maisons aujourd'hui. Et voilà, on les salue. Et là, le fonctionne plus fermé. Ah d'accord. Et ben Annelise, on fait un direct lundi là-dessus si tu veux, là, Annelise, d'accord. Tu m'envoies un message là sur mon privé, sur mon messenger. Envoie-moi tes coordonnées, puis lundi on en parle en direct, d'accord? Ça me fera plaisir, vraiment, vraiment. Salut Antoine, bisous mon ami, puis portez-vous bien. Merci à Popo pour la tondeuse. Merci mon Popo, je t'aime mon ami. Salut Cindy, salut la chocolaterie royale. Voilà, si vous avez des messages à faire passer, ben vous m'appelez sur la ligne directe. Salut Séverine, merci Annelise. Ok, lundi on fait une spéciale de maison, on en parle, il n'y a pas de problème. Merci à vous de me suivre, vous êtes vraiment nombreux de plus en plus. Et bon, ça fait quand même un mois et demi que je suis là tous les matins de 11h à midi. Bientôt en studio, apparemment je vais revenir en studio dans quelques jours. Je vous annoncerai la date, ça va être énorme. Ciao la famille, portez-vous bien, je vous aime, et puis merci aux gendarmes. Merci la famille, ciao.